L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien. Lenou a passé l'été sur l'île d'Ischia, au large de Naples. Pour la première fois, elle a vécu un moment de liberté intense, loin de sa famille, de son quartier et de la misère. Elle a passé ses journées à se détendre, à lire sur la plage et à discuter avec Nino, dont elle est de plus en plus amoureuse. Mais deux événements précipitent son retour à Naples. Le jour de son 15e anniversaire, elle reçoit une lettre de Lila lui demandant son aide, car Marcello Solara se fait de plus en plus pressant. Et la nuit suivante, Donato, le père de Nino, s'est introduit dans la pièce où elle essayait de trouver le sommeil. 9e épisode, la fille du cordonnier. Je retrouvais Naples plongée dans une chaleur écrasante et nauséabonde. Ma mère, sans dire un mot sur ma nouvelle apparence, sans acné et noircie par le soleil, me gronda parce que j'étais rentrée plus tôt que prévu. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? T'as fait des bêtises? L'ami de la maîtresse t'a chassé? Mais la gronde pas. Mon Dieu, qu'elle est belle, ma fille. Tu ressembles à une négresse. T'es bête ou quoi? Bon, je ressors, j'ai des choses à faire. Lila! Lila! Ah, Lenuccia! Je descends tout de suite! Ah, Lila! Mais que tu es belle! Regarde-moi ça, tu es toute bronzée! Tu es vraiment magnifique! Merci! Toi aussi, t'as changé, on dirait une fille de 18 ans. Bah, tu parles! Oh là là! Heureusement que tu es rentrée, j'ai tellement de choses à te raconter. Tu sais, la situation avec Marcello empire de jour en jour. Ah bon? Hier, il est arrivé avec des pâtisseries et du mousseux, et il m'a offert un anneau incrusté de brillants. Oh! Mince! Oui. Et tu l'as accepté? Bah, je l'ai mis au doigt pour éviter les problèmes avec mes parents, mais avant qu'ils partent, je lui ai rendu. Et j'y suis pas allée par quatre chemins. Oh! Marcello a protesté, il m'a menacée, puis il a éclaté en sanglots. Et nous, j'en peux plus. Il faut que tu m'aides à sortir de cette situation. Je te le promets. T'inquiète pas. Merci. Viens. Regarde. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est la nouvelle voiture que Stefano s'est achetée. Oh là là ! La voiture était garée devant l'épicerie qui avait été agrandie avec maintenant deux entrées et qui était bondée. Les clientes, en attendant d'être servies, jetaient des regards admiratifs vers ce symbole d'opulence et de prestige. Dans le quartier, on n'avait jamais vu une automobile de ce genre avec le toit qui s'ouvrait. Une voiture de grand seigneur, rien à voir avec la 1100 de Solara. Bonjour Lenou. Comme tu as l'air en forme, on dirait une actrice. Merci. T'en as une belle voiture. Je l'ai achetée pour ton amie, mais elle ne veut pas me croire. Bon alors, je vous emmène faire un tour. Oui, on y va. Mais on est d'accord, tu l'as invitée, elle, pas moi. Et je n'ai fait que vous accompagner. Mais oui. Bon, je vais poser mon tablier et je reviens tout de suite. Lila, qu'est-ce qui se passe ? Stefano m'a juré qu'il a acheté cette voiture pour moi. Et depuis qu'on la lui a livrée fin juillet, il n'arrête pas de me demander de faire un tour avec lui. Et j'ai toujours refusé. Finalement, je lui ai promis qu'on irait ensemble, toi et moi, quand tu rentrerais d'Ischia. Mais il est au courant pour Marcello ? Bien sûr qu'il est au courant. Et alors ? Alors il insiste. Lila, j'ai peur. Mais non. Tu te rappelles toutes les choses qu'on a faites et qui nous faisaient peur ? Je t'ai attendu exprès. Stefano revint sans son tablier. Cheveux bruns, visage bronzé, l'œil noir brillant, chemise blanche et pantalon sombre. Il ouvrit la voiture et s'assit au volant. Et nous, mets-toi devant, moi je m'assois à l'arrière. D'accord. Alors, toi t'es vraiment différent ? Différent de qui ? Tu sais bien. Dis ! Ton frère ne va pas très bien en ce moment. C'est compliqué. Ce sont celles que vous avez fabriquées ? Les chaussures exposées en vitrine. Comment tu es au courant ? Ton frère ne parle que de ça. Et alors ? Elles sont très belles. Achète-les alors. Vous les vendez combien ? Parle-en à mon père. Ah ! Mais t'es fou ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as dit de les acheter, alors je vais les acheter. Bonjour, monsieur Chalolla. Bonjour, Stéphane. Salut, Lena. Bonjour. Je voudrais voir la paire de chaussures qui est en vitrine, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Les voici. Oh. Elles semblent à la fois légères et résistantes. Elles ont vraiment une belle ligne. Qu'est-ce que tu en penses, Leno ? Elles sont magnifiques. Votre fille m'a dit que vous y aviez beaucoup travaillé tous les trois et que vous projetiez d'en fabriquer d'autres, y compris pour femmes. Oui, c'est vrai. Lila, va chercher les dessins. Les dessins ? Mes dessins ? Oui, tes dessins. Oui. Lila se rendit dans l'arrière-boutique et revint en tendant les feuillets à son frère qui les passa à Stefano. Il y avait tous les modèles qu'elle avait imaginés près de 2 ans auparavant. Stefano me montra le dessin d'une paire de chaussures pour femmes avec un talon très haut. Tu les achèterais, celles-là, Leno ? Oh oui. Il recommença à examiner les dessins, puis il s'assit sur un tabouret et enleva sa chaussure droite. C'est quelle pointure ? Du 43, mais ça pourrait être un 44. Elle me sert. On peut te les mettre dans la machine pour les élargir. Comment elles me vont ? Bien. Alors je les prends. Tu sais, Stefano, ces chaussures, c'est un modèle exclusif Cerullo. Elles coûtent cher. Et si c'était pas un modèle exclusif Cerullo, tu crois que je les achèterais ? Quand est-ce qu'elles seront prêtes ? Dans 3 jours. Très bien. Réfléchissez à un prix d'amis. Et je reviens les chercher dans 3 ou 4 jours. Après toi, Elena. Lila, tu viens ? J'arrive. Tu prends mon père pour un imbécile ? Et mon frère aussi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Si tu crois que tu peux faire le mariole avec ma famille et moi, tu te trompes. Lila, arrête. Non. Tu me vexes, là. Je suis pas Marcello Solara, moi. Et tu es qui, alors ? Un commerçant. Les chaussures que tu as dessinées, c'est du jamais vu. Et je ne parle pas seulement de celles que j'ai achetées, mais de toutes les autres. Et donc ? Donc, laisse-moi réfléchir et on se voit dans 3 jours. Écoute, Marcello a déjà essayé de m'acheter par tous les moyens, mais moi, personne ne m'achète. Et moi, je ne dépense pas une lire si je ne crois pas qu'elle va m'en rapporter 100. Ponctuel, Stefano se présenta au magasin 3 jours plus tard. Alors, vous avez réfléchi à un prix ? Oui. On les vend 25 000 lire. Rive. On peut te faire un prix d'amis, Stéphane. Allez, disons 10 000 lire. Non, c'est bon. 25 000. Et pour 20 000 lire de plus, j'achète les dessins de Lila. Je voudrais les faire encadrer. Tu veux faire encadrer les dessins de Lila ? Eh oui. Stéphane ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, il fit à nouveau irruption dans la cordonnerie. Fernando, Lino, j'ai loué le local à côté. Pour le moment, il est là. Mais si un jour vous décidez de vous agrandir, rappelez-vous que je suis à votre disposition. Merci. Hein ? Pourquoi ? Chez les Cerullo, on débattit longuement à voix basse pour savoir ce que cette phrase pouvait bien signifier. Nous agrandir ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, nous agrandir ? Il nous propose de transformer la cordonnerie en atelier pour fabriquer les chaussures Cerullo. Ah. Oui, c'est ça. Et l'argent ? C'est lui qui le met. Il te l'a dit ? Il vous l'a dit à tous les deux. Mais il sait que ça coûte cher, les chaussures faites main. Vous le lui avez prouvé. Et si elles ne se vendent pas ? Vous perdrez la face. Et lui perdra son argent. Et c'est tout ? C'est tout. Le magasin fut réorganisé, deux apprentis débarquèrent. Bonjour messieurs. Bonjour. Stefano fit son apparition. Il portait un paquet fait avec du papier d'emballage. Il ouvrit le paquet. Vous pouvez m'accrocher ça au mur. À l'intérieur, il y avait un grand nombre de petits cadres, tous de même taille, avec des baguettes marron. Fais attention à bien les passer, celui-là. C'était les feuilles de cahier de Lila, sous verre, comme s'il s'agissait de précieuses reliques. Merci bien, les gars. Prenez ça et allez boire un coup au café. Je dois discuter avec votre patron. Merci, monsieur. Merci, monsieur Caracci. Don Ferna, je voudrais épouser votre fille Lila. Stefano, Lila est fiancée avec Marcello Solara. Votre fille n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a raison. Maman et toi, vous faites venir ce connard à la maison, mais Lila, elle en a jamais voulu. Et elle en voudra jamais. Maintenant, on a commencé à travailler ensemble, alors ne nous énervons pas. Je ne vous demande qu'une chose, Don Ferna. Dites à votre fille de se décider. Si elle veut Marcello, je me résigne. Je l'aime tellement que si elle est heureuse avec un autre, je me retire et entre vous et moi, rien ne change. Mais si elle me veut, si elle veut m'épouser, alors là, rien à faire, vous devez me la donner. Tu me menaces? Non. Je vous demande seulement de faire le bien de votre fille. Moi, je sais ce que c'est son bien. Certes. Mais elle le sait encore mieux que vous. Lila, tu peux venir, s'il te plaît? Oui. Oula. Et là, oui. Je te le dis devant ton père. Je t'aime plus que tout au monde. Veux-tu m'épouser? Oui. Nous sommes en train de faire un affront énorme, non seulement à Marcello, mais à tous les Solara. Et maintenant, qui va lui annoncer à ce pauvre garçon? Moi, papa. Moi. Deux soirs plus tard, avant de se mettre à table et d'allumer la télévision, devant toute la famille, à l'exception de Rino qui était en vadrouille, Lila demanda à Marcello... Tu m'emmènes prendre une glace? Une glace? Avant dîner? Toi et moi? Oui. D'accord. C'est bien. La peine de faire manger. Lila! Il croyait que le moment tant attendu était enfin arrivé et que Lila allait lui dire oui. Mais à peine sortie de l'immeuble, elle lui fit front. Lila. J'ai jamais dit que je voulais de toi. Je sais. Mais maintenant tu veux de moi. Non. Vraiment pas. Non. J'en aime un autre. Qui? Stefano. Ah, je le savais. Mais j'arrivais pas à y croire. Eh bien, il faut y croire, c'est comme ça. Je vous tuerai tous les deux. Avec moi, tu peux essayer tout de suite. Je t'aime trop, j'y arriverai pas. Alors demande à ton frère, à ton père ou à l'un de vos copains de le faire, peut-être qu'eux en seront capables. Mais explique-leur bien à tous qu'il faut qu'ils me tuent d'abord. Parce que si vous touchez à quelqu'un d'autre, tant que je suis encore vivante, alors c'est moi qui vous tuerai. Et tu sais que je le ferai, je commencerai par toi. Et envoie quelqu'un pour récupérer la télévision, on n'en a pas besoin. Tout arriva en à peine plus d'un mois, et à la fin, Lila me sembla heureuse. Elle avait trouvé une issue à son projet de chaussures, avait donné une chance à son frère et à toute la famille, s'était débarrassée de Marcello Solara et était devenue la fiancée du jeune homme aisé le plus estimé du quartier. Que pouvait-elle vouloir de plus? Rien, elle avait tout. Lila allait se marier... Et moi, j'avais l'école, un privilège qu'elle avait perdu pour toujours. C'est ça, ma richesse, tentais-je de me convaincre. Dans son rôle de fiancée, Lila fut très enviée et causa bien de l'agacement. Sa manière d'être énervait déjà quand elle était une gamine maigrelette. Alors vous pensez bien, maintenant qu'elle était une jeune fille aussi chanceuse. Mais pour qui elle se prend, la fille du cordonnier? Quel filtre maléfique elle a fait boire à notre Stefano. Comment ça se fait que dès qu'elle ouvre la bouche, il ouvre le portefeuille? Mais oui. Elle veut venir faire la patronne chez nous ou quoi? Au fil des mois, Lila devint une demoiselle qui imitait les modèles des revues de mode, les femmes de la télévision et les jeunes filles qu'elle avait vues se promener dans les quartiers chics. En la voyant, on se disait qu'elle dégageait une lumière qui était une grande claque assénée à la misère de notre quartier. Lénou ? Oui ? Je vais me marier au printemps. C'est bien. Lila, en mars, à 16 ans, aurait un mari. Et dans l'espace d'une année, à 17 ans, un enfant. Et puis un autre enfant. Et un autre et encore un autre. Je ne me sentis plus qu'une ombre et pleurai, désespérée. Et Nino dans tout ça, quand, pour la première fois après Ischia, nous nous aperçûmes de loin, Nino vint aussitôt à ma rencontre, très amicale, mais je me débarrassai sèchement de lui après avoir échangé deux mots, et pourtant il me plaisait tellement. Et puis maintenant que Lila était fiancée pour de vrai, il était plus urgent que jamais que je me trouve moi aussi un copain afin de rééquilibrer notre relation. Cela aurait été tellement beau de sortir à quatre, Lila avec son fiancé et moi avec le mien. Certes, Nino n'avait pas de voiture rouge décapotable. Certes, c'était un lycéen sans le sou. Mais il faisait 20 cm de plus que moi, alors que Stefano faisait quelques centimètres de moins que Lila. Et quand il le voulait, Nino s'exprimait dans un italien sorti des livres et il s'intéressait à tout, tandis que Stefano vivait enfermé dans son épicerie et mettait sa mère, qui faisait les comptes mieux que lui, à la caisse. Toutefois, j'avais beau être dévorée par la passion, je n'arrivais pas à nouer cette relation avec Nino. Le voir me faisait immédiatement revenir en mémoire Donato Saratore, bien qu'il ne se ressemble pas du tout. Et la répugnance et la colère que suscitait en moi le souvenir de ce que son père m'avait fait, sans que je sois capable de le repousser, retombait jusqu'à lui. Bien sûr, j'aimais Nino. Je voulais lui parler, me promener avec lui. Et je me disais parfois en me tourmentant, mais pourquoi tu te comportes comme ça ? Je passais en première année du grand lycée avec des 10 partout. Mais chez moi, personne ne fut surpris ni ne me fit fête. Ma mère trouva même ma réussite scolaire tout à fait naturelle. Et mon père me dit d'aller voir tout de suite Madame Oliviero et de l'inciter à me procurer des livres pour l'année suivante. La maîtresse me félicita, mais sans empressement. En revanche, à ma grande surprise, elle se mit à parler de Lila. La beauté que Cerullo avait dans la tête depuis l'enfance n'a pas trouvé à s'exprimer. Elle a fini entièrement sur sa figure, dans ses seins, ses cuisses et son cul. Mais ce sont des endroits où la beauté ne dure pas. Et après, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Un après-midi, Antonio, le frère d'Ada, me rejoignit en bleu de travail et couvert de graisse. Je peux t'accompagner ? Je savais que je lui plaisais. Oui. Cela faisait des mois que j'avais bûché pour l'école, en me sentant seule et moche. Même si j'étais convaincue d'aimer Nino Saratore, je n'avais fait que l'éviter. Lila allait bientôt sortir définitivement de ma vie et je ne serais plus capable de la suivre. Lenou. Oui. Tu veux bien être ma... Tu veux bien être ma petite amie? Oui. Nous nous rendions parfois aux étangs par des chemins détournés. J'avais peur d'être vue par ma mère et peut-être plus encore par Madame Oliviero. Mes premiers vrais baisers, je les échangeais avec lui. Je lui permis bientôt de me toucher les seins et entre les jambes. Moi-même, un soir, je serrais son pénis caché à l'intérieur de son pantalon, tendu et gros. Et quand il le sortit, je le tins volontiers dans ma main pendant que nous nous embrassions. J'acceptais ces pratiques avec deux questions très précises en tête. La première était, Lila fait-elle ses trucs avec Stefano? Et la deuxième, le plaisir que j'éprouve avec ce garçon est-il le même que celui que j'ai éprouvé le soir où Donato Saratore m'a touchée? J'avais trouvé un petit boulot pendant les vacances d'été. Je m'occupais des filles de la papetière et les emmenais à la plage tous les jours. Parfois, Antonio nous accompagnait le dimanche. Un de ces dimanches, je levai un instant les yeux et vis une jeune fille grande, mince et élégante avec un superbe deux pièces rouges. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va très bien. C'était Lina, accompagnée de Stefano. À un moment donné, Stefano nous emmena tous au bar et commanda des délices en tout genre, sandwich, boissons et glaces. Et alors, combien elle te paye la papetière ? Oh, elle me paye assez. Trop même, d'après ma mère. Tu dois te faire payer à ta juste valeur, Léno. Je me ferai payer à ma juste valeur quand c'est tes enfants que j'accompagnerai à la mer. Je te donnerai des caisses de pièces d'or. Moi, je sais ce qu'il vaut, le temps passé avec toi. Et Antonio, il la connaît, ta valeur ? On est ensemble depuis 20 jours. Et tu l'aimes ? Non. Quoi ? Et alors ? Bah et toi, tu l'aimes, Stefano ? Beaucoup. Plus que tes parents ? Plus que Rino ? Plus que tout le monde. Ah bon ? Mais pas plus que toi. Non, tu te moques de moi. Non, c'est vrai. Arrête. Ce fut une belle journée pendant laquelle tous nous nous sentîmes à l'aise. Enfin, Antonio, c'est trop. Vraiment, t'aurais pas dû payer. Merci, merci beaucoup. Il a tout payé, tu te rends compte ? Merci, Antonio. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Bon, il faut qu'on file. Oui, il faut qu'on file. Bien, ma chérie, d'accord. À très vite. À très vite. À très vite. À très vite. Dès que Stefano et Lila eurent filé dans la décapotable, je disputais Antonio. Ta mère et ta sœur lavent les escaliers. Toi, tu gagnes des clopinettes au garage, t'es complètement fou, mais pourquoi t'as tout payé ? Parce que toi et moi, on est plus beaux et plus chic. Je pris Antonio en affection presque sans m'en apercevoir. Peu avant le 15 août, bonjour, mon travail s'acheva et finit aussi la joie du soleil et de la mer. La papetière fut très satisfaite de la manière dont je m'étais occupée de ses filles. Elles ont passé des vacances formidables. Ah, tant mieux. Il paraît qu'il y a un garçon qui vous accompagnait à la plage. Non, en fait, enfin, si... Tant mieux, très bien, formidable. Lâche-toi un peu, s'il te plaît. Tu es trop sérieuse pour ton âge. Regarde Lila qui fait les 400 coups. Bon, au revoir, madame Yolanda. Le soir, aux étangs, je retrouvais Antonio. Qu'est-ce que t'as ? Ça a toujours été comme ça. Depuis qu'on est toute petite, tout le monde croit que c'est Lila la méchante et moi la gentille. Pourquoi ? C'est pas vrai ? T'es pas gentille ? Cette réponse m'attendrit et m'empêcha de lui annoncer qu'il fallait que l'on se quitte. C'était une décision qui me semblait urgente. L'affection n'était pas l'amour. J'aimais Nino et je savais que je l'aimerais toujours. Je sentais que c'était indispensable et tous les après-midi, j'allais à notre rendez-vous aux étangs avec mon petit discours tout prêt. Mais Antonio était tellement affectueux et passionné que le courage me manquait et je le repoussais. Le 15 août, après le 15 août, avant la fin du mois, je me disais qu'il était impossible d'embrasser, toucher quelqu'un, se laisser toucher, si on n'avait rien d'autre qu'une certaine affection pour ce quelqu'un. Lila aime beaucoup Stefano. Moi, je n'aime pas Antonio. Le temps passa et je ne réussis jamais à trouver le bon moment pour lui parler. À suivre. L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien, adapté par Victoire Bourgois. 9e épisode, La fille du cordonnier. Avec Amira Cazar, Louise Ori Di Quero, Giulia Dussolier, Étienne Galarague, Stéphane Linard, Thomas Harel, Édouard Penaud, Florence Janas, Louison Alix, Raresh Yenasohaï, Élise Arpentinier, Johanna Cortals-Altès. Et les voix de Zachary Lebourg, Loïc Urcastagnou, Émile Kohler. Musique originale, Arthur B. Gillette. Conseillère littéraire, Catel Guillou et Emmanuel Chevrière. Bruitage, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Aude Picon. L'Amie prodigieuse est éditée aux éditions Gallimard.